Qu'on soit que tous les deux. Et quand je quitterai cette terre, je m'envolerai en paix là où je t'attendrai. Et les étoiles danseront entre elles, et pour toi je chanterai. Habibi, Habibi, Bini Mak. Habibi, Habibi, Khalini Mak. Habibi, Habibi, حبيبي حبيبي خليني معك. Tiens-moi la main, dis-moi ce que tu vois. Les lignes de mon amour te sont destinées. Je jure de t'aimer si personne n'y croit. Pour toi c'est la lune que j'irai décrocher. Je t'ai donné mon cœur, j'ai jeté les clés. J'ai pas le duplicata. Je veux sécher tes pleurs, tout te pardonner. Lune de miel à Bora Bora. Habibi, oh Habibi, Habibi, Habibi, Khalini Mak. Habibi,